mécanique du journalisme. Deuxième épisode, Pénélope Fillon, de l'Assemblée nationale à la Revue des Deux Mondes. Il y a quelque chose qui colle pas. Et on interroge François Fillon également sur ses revenus. Il y a une espèce de delta entre ses revenus officiels de députés, de consultants et son train de vie. Et voilà, donc on l'interroge, on dit bon, voilà, est-ce que vous pouvez vraiment nous détailler l'ensemble de vos revenus pour ces années-là ? On est sur 2012 et 2013. Et il nous dit, oui, j'ai mes revenus de député, j'ai mes revenus de consultant, mais j'ai aussi touché un avaloir pour un livre. Et on s'était renseigné pour le secteur de l'édition pour avoir le montant de cet avaloir, qui était très important, c'était 50 000 euros. Et puis il y a les revenus de Pénélope Fillon, nous dit-il. Mais de la façon dont la question était formulée et dans sa réponse, on ne parle pas de 150 ou de 300 euros, on parle de milliers ou voire de dizaines de milliers d'euros, même si lui ne nous le dit pas clairement. Mais voilà, on parle d'un vrai revenu, d'un vrai emploi. Donc, à partir de là, on a décidé de chercher plus sérieusement quels étaient ses revenus. Et donc, on a tiré cette ficelle qui, au départ, n'était vraiment pas grand-chose. De Pénélope, le premier indice, il est totalement public. Il est dans la déclaration d'intérêt qui, elle, est en ligne. Dans cette déclaration d'intérêt, qui a été déposée quand M. Fillon était député début 2014, juste après la création de la Haute Autorité de la Transparence de la vie politique, qui obligeait les députés à remplir ces déclarations d'intérêt, donc en janvier 2014, il le fait. Je pense qu'à l'époque, on n'y a pas vraiment prêté attention, mais là, on regarde à nouveau, et donc on voit à la mention emploi de sa femme, revue des deux mondes. Alors, petite surprise, parce qu'on se disait, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille, comment elle est, c'est rigolo, ça fera quelque chose à raconter sur Pénélope, sur lequel on n'a pas grand-chose à raconter. Donc, soit c'est juste marrant, soit il y a plus que ça, et le soupçon vient assez vite parce que la Revue des Deux Mondes, elle appartient à Marc Ladrette de la Charrière, qui est un ami de François Fillon, qui est milliardaire. Donc, bon, ça vaut vraiment la peine de vérifier ce qu'elle y fait et pour quel salaire. Et là, c'est très simple. Le directeur de la Revue des Deux Mondes, à l'époque, était Michel Crépu. Je regarde juste où il travaille actuellement. Voilà, je me rends compte qu'il travaille chez Gallimard. Je décroche mon téléphone, j'appelle chez Gallimard au standard. Je demande Michel Crépu, que je ne connais pas, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Il est dans son bureau, il décroche. Et je lui dis, voilà, Isabelle Pareil, Canard Enchaîné, voilà, on s'intéresse, on veut faire un portrait de Pénélope Fillon. On a vu qu'elle avait travaillé pour la Revue des Deux Mondes, est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'elle y faisait, comment elle était, etc. Et là, il tombe un peu des nues, il me dit, Pénélope Fillon, mais... Ah bon, mais... Pourquoi vous me posez cette question ? Je dis, mais parce que c'est indiqué dans la déclaration d'intérêt de M. Fillon, il indique que sa femme travaillait en 2012 à la Revue des Deux Mondes. Il me dit, il est un peu gonflé quand même de dire ça. Oui, je me souviens, elle a fait peut-être une ou deux notes de lecture, mais franchement, de là à dire que c'est un emploi... Ah bon, mais est-ce que vous vous souvenez de ces notes, etc. Il me dit, ah non, je me souviens pas très bien. Enfin, je me souviens en tout cas qu'elle les a faites sous un pseudo. Donc, je dis, bon, mais quel pseudo ? Alors, il ne se souvenait pas du pseudonyme. Mais voilà, il me dit juste, écoutez, elle a fait une ou deux notes de lecture. Voilà, ça s'est arrêté là. Il répugnait à me le dire, mais enfin, je comprends entre les lignes que c'était pas formidable hein, comme résultat. Et voilà, que la collaboration s'est arrêtée là, mais qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. Alors, je me dis, bon... Si c'est vraiment ça, si elle a juste fait deux notes de lecture, peut-être que François Fillon a mis ça dans sa déclaration d'intérêt pour être vraiment très pointilleux, ou faire plaisir à sa femme, ou être très pointilleux pour dire, voilà, elle a touché deux petites piges en 2012, je n'ai rien oublié. Michel Crépu ne se souvenait pas vraiment de la question de ses émoluments. Je lui avais sans doute posé la question, mais est-ce qu'elle a été payée ? Il me dit, bon, vous savez, une note de lecture, c'est 150 euros, donc voilà, ça ne va pas chercher loin. Alors, à partir de là, déjà, le fait de prendre quelqu'un par surprise comme ça, sauf s'il a fait l'acteur studio, qu'il était extrêmement bien préparé à la question, vous voyez, a priori, il répond de façon très spontanée, il n'a aucune raison de mentir, etc. En plus, il n'est plus salarié de la Revue des Deux Mondes, donc il n'est plus dans ce groupe. Il a une totale liberté, il me dit ça très spontanément, a priori, il n'y a pas de problème. Sa réponse, elle me semble sans doute exacte. Donc, l'étape suivante, c'est de se dire, bon, alors, s'il n'y a eu que ça, si elle a fait juste deux notes de lecture, il faut les retrouver, parce que c'est marrant. Qu'est-ce qu'elle a écrit, comment, sur qui, sur quoi, est-ce que c'était sur des romans, je ne sais pas, des histoires d'amour, des trucs politiques, économiques, comment elle écrit, bon. Alors, il ne se rappelle pas du pseudonyme. Il me donne le numéro de quelqu'un qui bosse encore à la Revue des Deux Mondes. Il y a une secrétaire, enfin, ils sont deux ou trois dans cette revue. Je ne me souviens pas si je l'ai appelé tout de suite ou pas pour avoir le nom. J'ai peut-être attendu un petit peu. Et en tout cas, j'ai commencé à éplucher tous les exemplaires de la revue. Il n'y en a pas énormément parce que je crois que c'est un mensuel de mémoire. De 2012 et 2013 pour regarder tous les noms des auteurs. Et par élimination, il y avait un seul nom qui ne correspondait pas à quelqu'un d'existant, c'était Pauline Camille. Alors voilà, donc on a les deux notes de lecture. Je fais confirmer le pseudonyme de Pauline Camille, sans doute par la Revue des Deux Mondes. Généralement, on n'interroge pas tout de suite les gens. On demande des confirmations un peu au dernier moment. On préfère enquêter tranquillement, mais pas trop de puce à l'oreille. Mais en tout cas, je me souviens avoir demandé confirmation du pseudonyme à la Revue des Deux Mondes et à la nouvelle directrice qui était Valérie Toragnan, qui a confirmé que c'était bien son pseudonyme. Ils pouvaient difficilement le cacher. Qu'est-ce qu'ils allaient dire ? Non, elle n'a jamais travaillé. Donc, non, c'était obligé de le dire. Donc, en tout cas, bon, on avait les deux notes de lecture. Le problème, c'est que les notes de lecture, il n'y en a quasiment aucune qui pouvait témoigner d'un vrai travail. Il y en a deux, je crois. Vraiment très courtes. Pas de quoi justifier un salaire qui était quand même pas mal, puisque, comme on l'a dit dans nos révélations qui sont sorties le 25 janvier, la Revue des Deux Mondes qu'on avait renommée dans le canard la Revue des Deux Bifetons, lui avait donné un salaire de 5000 euros brut par mois. Elle y a travaillé 20 mois et elle a touché 5000 euros par mois. Donc ça faisait à peu près 100 000 euros de salaire brut. À partir du moment où on sait que Pénélope Fillon a travaillé, si on peut dire, à la Revue des Deux Mondes, qu'elle a des revenus, qu'elle a peut-être une vie qu'on ne connaît pas, que François Fillon a un train de vie supérieur à ce qu'on pouvait imaginer, qu'il a des revenus qu'on ne connaissait pas, à partir de là, de toute façon, on se dit qu'il faut absolument chercher partout, tous azimuts. Finalement, on croyait tout savoir de ce personnage, qui était censé être un simple député, encore une fois, austère, modeste, faisant campagne sur la probité, le non-mélange des genres, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a le goût de l'argent, qui en gagne beaucoup. Sa femme également, visiblement, a des revenus qu'on ne connaissait pas, dont il ne parlait jamais. Donc, à partir de là, il faut absolument enquêter pour trouver plus... et s'intéresser aux revenus du couple Fillon. Madame Fillon touche des salaires. Quel est le travail qu'elle a fait ? C'est bien sûr la première question, en se disant, bon, peut-être qu'elle a vraiment travaillé. Elle a cherché. Et la meilleure façon de chercher, c'était d'interroger tous les gens qui avaient pu rencontrer Madame Fillon dans l'exercice de son travail, attaché parlementaire de son mari. Pénélope Fillon a commencé à travailler pour François Fillon dès 81. Dès qu'il était le député, il lui confie des rapports à faire. Et en 86, il lui signe un premier contrat de collaborateur. Il y a des interruptions quand il est ministre, mais bon, ça reprend en 98 de façon beaucoup plus persistante. Jusqu'en 2002, elle est attachée parlementaire de son mari. Puis, son mari devenant ministre, Elle est devenue attachée parlementaire du suppléant de son mari, M. Marc Joulot, qui a pris la succession et qui n'a pas eu le choix de l'embauche de son attaché parlementaire. C'était à la demande expresse de François Fillon, ça a été Pénélope. Et Pénélope avait bien évidemment le plus beau salaire de tous les attachés parlementaires de Marc Joulot. Elle pensait qu'elle avait le salaire maximum. Et donc ça a duré jusqu'en 2007. 2007-2012, ils sont à Matignon, là il n'y a pas d'emploi. Mais en 2012, il quitte Matignon. Madame va travailler à 5000 euros par mois pour le milliardaire Marc Ladin de la Charrière à la Revue des Deux Mondes. Et elle reprend un boulot d'attaché parlementaire auprès de son époux. Donc sur toutes ces années, forcément, elle est censée avoir laissé des traces partout, tout le monde devrait être au courant, ils sont installés dans la Sarthe depuis des années, elle est connue comme le loup blanc, enfin, on aurait dû crouler sous les témoignages, les preuves, etc. Et on n'a rien trouvé. On a passé des week-ends à chercher des numéros de téléphone, à appeler les gens chez eux, etc. Bon, que ça soit dans la Sarthe ou à Paris, et tout le monde nous a dit non, Mme Fillon, elle était là auprès de son mari comme une épouse d'élue, mais elle n'intervenait jamais sur les dossiers, elle n'intervenait jamais sur le travail de son mari. C'est tout juste, elle prenait on lui donnait une enveloppe pour son mari, elle prenait l'enveloppe pour lui amener le courrier. Quand on appelle quelqu'un comme Robin Somberg, qui a été une des assistantes parlementaires de François Fillon, elle répond très spontanément, enfin, elle me dit, écoutez, non, j'ai jamais entendu parler de cet emploi, et elle pense pas faire quelque chose de mal en nous répondant là-dessus. Elle est totalement sincère, elle dit, voilà, je connais pas cet emploi. Et c'est des réponses comme ça spontanées, on peut les avoir que si on appelle les gens avant d'avoir sorti le papier. Sinon, et avant d'avoir interrogé officiellement les personnes concernées, parce que sinon, c'est en bas de combat, fermer les écoutilles, plus personne ne répond, etc. Donc ça, il faut le faire. Il y a un ordre, si vous voulez, dans la progression. Il faut passer des coups de fil comme ça, par cercle concentrique, on se rapproche un peu du personnage principal, mais il ne faut pas le faire trop tôt. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des réponses spontanées, puisqu'ils n'ont pas été mis en garde, personne ne leur a dit, ne répondez surtout pas au canard enchaîné. La semaine suivante, c'était trop tard. Tous les confrères qui ont essayé de contacter ces mêmes anciens collaborateurs parlementaires n'ont jamais pu obtenir de réponse, forcément, puisqu'il y avait à partir de là, c'était enquête judiciaire, etc. Ils se sont refermés comme des huîtres. Au départ, voilà, on ne peut pas savoir. C'est juste très étonnant de découvrir cette femme discrète, censée s'occuper de ses enfants, qui répétait dans la presse qu'elle n'avait jamais travaillé. On découvre qu'en fait, elle a cumulé deux emplois en CDI à plein temps, en 2012 et 2013, l'un comme assistante parlementaire et l'autre comme conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes. Donc, en fait, elle bossait comme une acharnée, c'était de l'esclavage et personne ne le savait, donc il fallait quand même rétablir un peu la vérité et rendre honneur à tout ce travail trop longtemps caché. Et voilà, donc c'est vrai que quand on s'est penché sur la réalité de cet emploi, assez vite on s'est rendu compte qu'on ne trouverait pas grand-chose. Au début, on lui envoie une lettre pour lui dire « Voilà, on voudrait savoir un peu les choses, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'y a pas de réponse.